Tout ça vous a fait. Bonjour à tous, vous êtes sur Conlambi Musique Jeudi sur la radio FPP 106.3 FM ou si vous nous écoutez sur le web rfpp.net. À l'instant, Malika Tyrolien nous a emmené sur sa route ensoleillée avec le titre Seou. Et Malika Tyrolien, c'est une chanteuse guadeloupéenne basée à Montréal qui sort cet album qu'il faut aller chercher de toute urgence, très grand talent à découvrir, qui a déjà fait plusieurs collaborations internationales de très haut niveau. Donc allez chercher ça, c'était la petite sélection nouveauté du mois dans Musique Jeudi. Musique Jeudi, c'est-à-dire musique contemporaine, musique actuelle en créole. Et on se concentre comme d'habitude le premier dimanche de chaque mois, 16h-17h, sur l'actualité de nos musiques de Martinique, de Guadeloupe. Et aujourd'hui, restez bien à l'écoute, un dossier spécial, non pas musique jeudi, mais tradition jeudi, car on sait qu'on oppose souvent la tradition, la modernité, et on va vous parler plutôt de la continuité qu'il y a entre les deux et de la vitalité même de cette tradition jusqu'à aujourd'hui. On vous en dira plus dans un petit moment. On va d'abord écouter tout à l'heure un entretien avec Franck Salin, le réalisateur du film Sur un air de révolte, qu'on a pu voir cette semaine à Paris, au cinéma Le Lincoln, près des Champs-Élysées, mais qui a plusieurs projections prévues du côté de Saint-Denis et d'autres, on imagine, à venir. Donc, cherchez ça, Sur un air de révolte de Franck Salin, qui va nous parler... qui va nous permettre de voir le côté Guadeloupe avec le gros cas. Et puis, juste après, nous aurons une interview de notre animatrice maison, Mamou, à la fois témoin, actrice de la culture belay de Martinique. Donc voilà, beaucoup de choses, tradition, jeudi. Et on va démarrer avec l'édito de la voix de Conelombie, Pascal Lavoie, qui va nous présenter un peu tout ça. Bonjour tout le monde. Conelombie Musique Jeudi, le thème du jour, c'est tradition jeudi. Tout d'abord, qu'entend-on par tradition ? En 2003, est adoptée la Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qui reconnaît les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire des communautés. Ainsi, le Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'art traditionnel, le CIOFF, considère conformément à cette convention qu'un programme est de culture traditionnelle s'il est retransmis de génération en génération, s'il peut être recréé en permanence par les communautés et les groupes en fonction de leur milieu et de leur interaction avec la nature et de leur histoire, s'il procure aux communautés et aux groupes un sentiment d'identité et de prospérité, et s'il contribue ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Donc, la tradition s'inscrit dans une continuité temporelle, tandis que le folklore consiste à présenter des pratiques, des coutumes du passé, en conservant leurs caractéristiques les plus authentiques, notamment vestimentaires, artisanaux, etc. Dans le contexte des Antilles françaises, en Guadeloupe et en Martinique, le terme folklore a souvent été utilisé à tort et à travers. Le folklore tel qu'il a été pensé pour les Antilles a été modelé en fonction d'une politique touristique qui visait essentiellement le public métropolitain à partir des années 1950. Jusqu'à aujourd'hui, la Guadeloupe et la Martinique subissent les effets néfastes de cette politique qui leur a façonné un imaginaire d'exotisme, d'indolence. On a réussi à imposer cette idée dans le regard de l'autre qu'il s'agissait réellement d'une manière de vivre propre aux Guadeloupéens et Martiniquais, jusque dans leurs pratiques culturelles. Ainsi, nous avons des musiques comme la biguine, la mazurka, qui sont de nos jours assignées à des rôles folkloriques, alors qu'au début du XXe siècle et pendant plusieurs décennies, c'était les musiques du moment en Guadeloupe et en Martinique, et elles faisaient sensation dans les quartiers parisiens. Forte de son succès, la biguine a malheureusement été par la suite la première manifestation de ce qu'on appelle aujourd'hui le doudouisme, symbolisant toute cette imagerie paternaliste, gentillette, coloniale autour de la culture antillaise. Une des conséquences, c'est qu'on a presque systématiquement assimilé les styles musicaux issus de la Guadeloupe et de la Martinique à du folklore, avant l'avènement du zouk. Alors aujourd'hui, comment sont considérés belay et gros cas ? En l'espace de quelques années, le regard des Guadeloupéens et des Martiniquais a changé sur le belay et le gros cas. Nous sommes passés de musique de vieux nègres, sans intérêt, musique de sauvage, à musique traditionnelle, musique racine, avec tout ce que ça peut représenter comme auto-valorisation. L'apport de la pensée de la négritude, le contexte de décolonisation à travers le monde, les mouvements indépendantistes y sont sans doute pour quelque chose. Les peuples de Guadeloupe et de Martinique ont enfin accepté ces pratiques grâce au travail de militants culturels qui ont lutté contre la stigmatisation et la folklorisation du belay et du gros cas. Ils ont pu élaborer des méthodes d'enseignement authentiques et permettre à ces musiques d'avoir le statut qu'elles ont aujourd'hui. Cependant, il reste un long chemin à faire pour une appropriation complète de la part de la population qui passe par l'enseignement milieu scolaire et une politique culturelle clairement établie et ambitieuse. Seuls les choix des Guadeloupéens et des Martiniquais sur leur avenir le décideront. Dans Conelombie, Musique Jeudi, nous vous ferons part de ces démarches artistiques qui qui expérimente des mélanges entre les répertoires issus de la tradition telle qu'on la comprend aujourd'hui aux Antilles. Pas uniquement belé, congoka, mais intégrant aussi la biguine, la mazurka, le kadri et la hautaï. Nous verrons quelles sont les motivations qui poussent les artistes à intégrer davantage d'éléments de ces musiques. S'agit-il d'une problématique identitaire ou d'un enjeu commercial ? Nous vous diffuserons un certain nombre de morceaux qui font état de ce renouveau des musiques traditionnelles. Nous analyserons les perspectives et comment les artistes des musiques actuelles puisent dans leur patrimoine culturel pour créer. Tradition, nous vivons, c'est pas rien qui folklore. C'était LAVWA, La Voix, pour Conlambi, Musique Jeudi. Oui, Guadeloupéens, c'est l'heure qui est arrivée pour nous mettre nous debout. Oui, debout contre toute profitation. El Capé, vous vaisiez à nous. Janvier 2009, début de 44 jours de grève générale en Guadeloupe contre la vie chère, ou plus précisément contre ce qu'on appelle la profitation. Des revendications fortes, un espoir, une détermination qui semble portée, transportée par ces deux phrases. La Guadeloupe c'est en nous, la Guadeloupe c'est pas taillo, yo peke fe sa yo vle, a d'un pays en nous. La Guadeloupe est à nous, la Guadeloupe n'est pas à eux, ils ne feront pas ce qu'ils veulent dans notre pays. Deux phrases écrites par Jackie Richard, qu'il trouva dans son sommeil en pleine nuit, qui fédéreront des milliers de personnes dans les rues et feront polémique sur le sens du « yo », c'est-à-dire « eux », jusqu'à Paris, sur les plateaux de télévision. C'est l'ampleur qu'a pris ce chant de lutte, devenu hymne, à la fois témoin et catalyseur d'un mouvement historique pour la Guadeloupe, qui a incité Franck Salin, auteur, journaliste, à réaliser son film « Sur un air de révolte ». Un film entièrement consacré à ces chants qui ont accompagné les mouvements sociaux en Guadeloupe jusqu'à aujourd'hui. Car la grève de 2009 est loin d'être la seule qu'ait connue l'île. Ces crises dures et parfois meurtrières, obscures comme celle de mai 67 à Pointe-à-Pitre, jalonnent l'histoire de la Guadeloupe. Et ces chants de lutte en sont peut-être parmi les meilleurs témoins. C'est là toute la qualité de ce film essentiel qu'on a eu la chance de voir ce mardi 30 septembre en projection au cinéma Lincoln du côté des Champs-Élysées à Paris. en présence du réalisateur Franck Salin, du tambourier Marie-Georges Gordien et l'artiste multitalent Max Diacoc. Le film est un témoignage indispensable, comme l'est aussi, par exemple, Chalvet, la conquête de la dignité, de Camille Moduec, sorti cette année et qui raconte, lui, la grève de février 1974 dans le nord de la Martinique avec les témoins de l'époque. Et donc, dans Sur un air de révolte, c'est surtout un angle inédit pour dire l'histoire, celui de la musique, celui du chant, celui du gros cas, musique racine de la Guadeloupe, bien évidemment. Musique méprisée, marginale, devenue musique de combat à l'heure indépendantiste et aujourd'hui musique populaire, identitaire. Nous avons pu interviewer Franck Salin, le réalisateur de Sur un air de révolte, à la sortie de la projection pour qu'il nous parle de sa démarche. Je suis au Lincoln avec Franck Salin. Nous venons d'assister à la diffusion de son documentaire Sur un air de révolte qui est consacré au gros cas. On va en parler tout de suite, Franck, de ce documentaire. Mais est-ce que tu pourrais nous dire avant comment tu es passé d'écrivain à journaliste à réalisateur de documentaire? Ben, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et le film, comme le roman, comme l'article de journal, c'est une façon de raconter des histoires. Ce sont les supports qui changent, mais quand on regarde bien, on raconte des histoires. Donc c'est vrai que tous les styles m'intéressent, hein, le théâtre, le roman, le documentaire. J'ai jamais essayé la fiction, mais pourquoi pas un jour aussi. Il y a la technique, mais quand on va au fond des choses, la vérité, c'est qu'on raconte des histoires et toute la difficulté, c'est de bien raconter une histoire. Raconter des histoires, là, tu as choisi de raconter une histoire autour du gros cas et c'est la deuxième fois. En 2008 ou 2007, il y avait l'appel du tambour que tu avais réalisé. Et là, 2013, ce documentaire qu'on a vu aujourd'hui, Un air de révolte. Pourquoi choisir ce thème-là, justement, pour raconter ces types d'histoires-là? J'ai toujours été passionné par la musique de la Guadeloupe, de la Caraïbe et du monde en général. Et je suis aussi passionné par l'histoire avec un grand H. Et j'ai même fait des études d'histoire parce que, comme beaucoup de Guadeloupéens, d'Antillais, on est un peu frustré, hein, au secondaire parce qu'on n'apprend pas notre histoire. Et une fois que je suis rentré après le bac à l'université, toute mon obsession a été de mieux connaître mon histoire, dont j'avais été beaucoup trop privé, du moins à mon sens. Et ce film permet de nouer deux passions, de faire se rencontrer deux passions, ma passion pour la musique et ma passion pour notre histoire. Et il est né en 2009. Parce qu'il y avait des manifestations à Paris qui soutenaient le mouvement LKP, Lionnage contre Profitation, qui étaient nés pour dénoncer ce qu'ils appelaient la profitation, les abus et les excès des patrons aux Antilles, et la vie chère aussi. Et sur les pavés de Paris, en février 2009, j'entends la fameuse chanson, l'hymne du mouvement, « La Guadeloupe, c'est un nom à Patayo ». Surprenant, là. Donc, la Guadeloupe est à nous, nous appartient, elle n'appartient pas à eux. Et justement, il y a ce « nous » et ce « eux » qui est problématique, dont on va parler tout à l'heure. Donc, en entendant cette hymne-là, tu te dis, je vais essayer de regarder comment la musique guadeloupéenne entre dans le domaine politique, c'est ça? Je me suis d'abord intéressé à la chanson. La Guadeloupe, c'est un nous à Patayo. Je l'avais déjà entendu à la télévision, puisque moi, je n'étais pas en Guadeloupe en février 2009. Et là, de l'entendre à Paris, m'a quand même interpellé. Je me suis dit, cette chanson a vraiment un impact assez incroyable. au-delà de cet impact, il y avait aussi la polémique, puisque comme vous le disiez, il y a Yo et nous qui posaient problème à un certain nombre de personnes, puisque qui était nous, qui était eux, est-ce que c'était le « eux », le fameux « Yo » veut dire « eux » en créole, est-ce que « Yo » c'était les patrons, les blancs, les patrons blancs, ça coinçait à ce niveau-là, et donc j'avais envie de creuser cette question-là, donc. Mon travail a d'abord été journalistique, puisqu'il a fallu retrouver l'auteur de la chanson, il a fallu comprendre comment elle était née, pourquoi il l'avait créée. Mais au-delà de cette chanson, oui, j'ai voulu montrer une tradition beaucoup plus ancienne, qui est celle des chants de lutte, des chants engagés en Guadeloupe. Là où l'appel du tambour montrait la pratique du groka en Île-de-France surtout, hein, si ma mémoire est bonne, là c'est vraiment un historique qui montre comment cette musique-là entre dans le domaine politique et utilisée comme moyen d'expression de revendications sociales et politiques. Oui, c'est que à travers le groka, j'ai voulu faire le téléspectateur vivre, appréhender en tout cas une période qui est de 67 à 2009, où il y a eu plusieurs mouvements sociaux et politiques. Et ces mouvements étaient accompagnés par la musique. Donc à travers la musique, voilà, j'ai voulu faire les spectateurs connaître notre histoire. Et justement, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce processus de réhabilitation du groka et le statut justement de cette musique aujourd'hui ? Parce que tu nous expliquais que c'est pendant cette période-là que le groka est devenu quelque chose de populaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quel est le statut de cette musique ? Mais le groka, ou en tout cas l'expression populaire guadeloupéenne, puisque ce qu'on appelle le groka a porté plusieurs noms avant, manifestement, en tout cas selon toutes les traces qu'on en a gardées, c'était une expression, je ne dirais pas cantonnée, mais en tout cas pratiquée essentiellement par les classes les plus pauvres. Et donc, elle n'avait pas forcément droit de citer dans les salons. Et lorsqu'il y a eu les premières impressions de disques, les premières radios, il ne passait pas de gros cas. Donc, parce que c'était considéré comme la musique des pauvres. Et on dit en Guadeloupe, musique à vie nègre, la musique des gens malheureux, sans éducation. Enfin, elle était très connotée. Et le mouvement indépendantiste s'est approprié cette musique et l'a utilisée aussi pour défendre sa cause. Et certains maîtres du groka, qui n'étaient pas forcément encartés dans tel ou tel mouvement, se sont reconnus aussi dans ces revendications sociales et politiques et ont apporté leur art, leur culture à ce mouvement. Donc c'est vrai qu'il y a une rencontre entre le mouvement indépendantiste nationaliste et le groka qui a généré beaucoup de choses. À tel point que moi, lorsque j'étais enfant, donc dans les années 80, début 90, cette période-là où le mouvement indépendantiste était encore fort, les gens disaient « Ah, groka, musique à indépendantiste. Ah, le groka, la musique des indépendantistes. » Alors que dans les années 60, ce n'était pas la musique des indépendantistes. Mais le mouvement nationaliste se l'était tellement approprié que pour beaucoup de gens, c'est devenu la musique des nationalistes. Aujourd'hui, on n'entend plus ça parce que l'époque a changé, le mouvement nationaliste a décliné. Donc les gens disent que le groka, c'est la musique des Guadeloupéens. Mais est-ce que dans les années 60, on disait le groka, c'est la musique des Guadeloupéens ? Je ne pense pas. Mais c'est aussi un héritage de toutes ces décennies de lutte et de réflexion culturelle qui a amené tout ça. Je crois. Et pour finir, aujourd'hui, le groka, on peut le définir comme un folklore, terme un peu galvaudé et qui n'a pas très bonne presse chez nous, comme une tradition. Que dire aussi des utilisations du groka dans la musique plus contemporaine ? On a vu le rappeur Exos dans ton documentaire. Voilà, quel statut on peut donner au groka aujourd'hui ? Ben, le groka, moi je suis heureux qu'il soit considéré tout simplement comme une musique et égal aux autres musiques, parce que ce qui était quand même terrible avant le travail du mouvement indépendantiste, c'est que cette musique était considérée comme inférieure. C'était ce qui était gênant, comme le Bel Air Martinique, on considérait que c'était des musiques inférieures, alors qu'elles n'ont rien d'inférieur. Elles sont aussi belles que le blues ou le jazz ou la polka, enfin peu importe, ce sont des musiques. Donc je pense que ça c'est une évolution très très positive et une évolution très intéressante aussi, c'est que beaucoup de musiciens formés à d'autres instruments et parfois à d'autres styles musicaux s'approprient le groka et ses bases pour enrichir leur création. Alors le grand maître de cette évolution, je dirais, c'est Gérard Loquel qui a beaucoup écouté les musiciens traditionnels et qui a développé ce qu'il a appelé le groka moderne. C'est qu'il a vu sur quelle gamme chantaient, jouaient les musiciens traditionnels. Il a adapté tout ça aux instruments harmoniques. Après Gérard Loquel, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait du groka moderne, ou voulu faire du groka moderne, et puis des personnes qui ont carrément créé d'autres choses, mais dans lesquelles on sent l'empreinte du groka. Ils s'en sont inspirés. On a entendu Exos dans mon film, un jeune homme issu plutôt du milieu hip-hop raga, qui puise aussi dans le groka pour créer sa musique. Il y a aussi beaucoup d'autres artistes qui... Il y a quelques années, Dominique Coco, qui avait eu un tube en reprenant une chanson de Guy Conquête, mais Dominique Coco lui vient plutôt, et plutôt zouk, un artiste plutôt zouk. Enfin, donc le groka aujourd'hui, on sent qu'il diffuse un peu dans toutes les musiques. C'était peut-être le cas auparavant, mais aujourd'hui ça l'est de façon beaucoup plus consciente. En tout cas, j'en ai l'impression. Est-ce que parce que le groka dit un peu ce que c'est que le nous? Parce qu'il est question de... Dans le titre de cette chanson, la Guadeloupe c'est en nous, la Guadeloupe c'est pas Tayo, la Guadeloupe est à nous, la Guadeloupe n'est pas à eux. Donc est-ce que le groka dit un peu ce qu'est le nous guadeloupéen? Je ne dirais pas que le groka le dit, mais en tout cas il exprime. Il exprime sans forcément y mettre des mots. Bon, il y a quelques chansons hein, qui y ont mis des mots, mais ce ne sont pas forcément les plus belles chansons du groka, en tout cas c'est mon point de vue. Mais curieusement, autour de cette musique, les Guadeloupéens, on trouve un lien. Il y a le groka crée du lien, ses sonorités, ses rythmes, ses mélodies créent du lien et on se reconnaît dans cette musique, effectivement. Merci beaucoup Franck Salin. Juste pour nos auditeurs, est-ce qu'il y a d'autres projections de prévues? Il y a un moyen de voir ce documentaire? C'est la grande question. Avec Gilles Servant, le producteur, on recherche des diffuseurs, puisque le média le plus puissant, ça reste la télé. Ensuite, on va travailler sur les diffusions de DVD. Et ensuite, tout ce qui est diffusion en ligne aussi, auquel faudra réfléchir. Mais pour l'instant, voilà, le gros travail là, c'est d'avoir des diffuseurs télé pour que le film touche un maximum de personnes. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. moun pa save nou ka chèche. Ou la y pase, pou moun pa save nou ka chèche. Vélo te kapote mesaj, pou moun ki te an le roz la. Ou y tambou a y te kapote, pou mesaj pou l'imanite. Ou la y pase, pou moun pa save nou ka chèche. Ou la y pase, pou moun pa save nou ka chèche. Eve me ay, eve pie ay, vélo te ka chante la vie. Eve me ay, eve pie ay, vélo te ka soulage nou. Lay passe, pou moun pa save nou ka chèche. Ou lay passe, pou moun pa save nou ka chèche. Si te tout oui, tout espoir vit en nou. Si te tout oui, tout histoire fait en nou. Mais à présent il disparaît. Ke pe soulaje nou. Mais à présent il disparaît. Pour moun pa la pou mene nou. Ou la y passe, pour moun pa save nou ka chèche. Ou la y passe, pour moun pa save nou ka chèche. Guadeloupe et le gros cas à l'honneur. À l'instant, c'était le titre Vélo du groupe Quimbole de Sonny Troupé. Et juste avant, le titre Voisin, où Exos remixait la voix de Guy Conquête à la sauce Caco. Exos qui faisait partie des personnages qu'on pouvait voir dans le film Sur un air de révolte de Franck Salin. On remercie Harry d'avoir eu cet entretien avec le réalisateur qui nous a permis d'illustrer un peu ce dont on veut parler dans ce dossier Tradition Jeudi, dans l'émission Musique Jeudi. Et après la Guadeloupe, on va maintenant passer à la Martinique et une autre musique racine des Antilles, le belay. Et on va se mettre tranquillement dans l'ambiance avec un titre de T-Emile et ensuite on va discuter avec Mamou qui anime également le troisième dimanche de chaque mois l'émission En Page Belay dans Conlambi. Et donc on va écouter ce qu'elle a à nous dire dans un petit moment. Hey, la manigandile. Mwani grandile, mwani grandile, la fami grandile, la fami grandile, pitit madalan, pitit madalan, mwen gade san avil, mwen gade san avil, mwen gade san avil, mama mwen bala, papa mwen bala, la fami grandile, la fami grandile. Petit pantalon, petit pantalon, la famille grandile, la famille grandile, la famille grandile, ma cadre sans ville, ma cadre sans. Chaque membre de la famille Belay, que ce soit les tambouillés, les joueurs de l'Étiboitais, les chanteurs on a besoin d'avoir des traces de leur travail. Si on n'avait pas les albums de T-Emile, moi je me souviens des albums en support vinyle de T-Emile que j'écoutais chez moi quand j'étais petite, si je n'avais pas ça, en étant ici en Hexagone, je n'aurais jamais su que le belay existait. Donc déjà c'est un premier témoignage. La deuxième chose, c'est que là on a perdu Berthe Grivalier. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau de sa discographie, finalement, il n'y avait pas grand-chose, alors que en soirée belay, il a quand même un répertoire qui est immense. Donc on a Berthe Grivalier avec le groupe Sapotir, un seul album, on a l'album Résistance et on a les maîtres du belay. La résistance. Mangouille la résistance. Magouye résistance, mon résistance c'est nous qui l'a. Magouye la résistance, magouye la résistance, magouye la résistance, nous résistance c'est nous qui l'a. Papa les mamans et papa les, papa les mamans et papa les, papa les mamans et papa les, nous résistance c'est nous qui l'a. Magouye la résistance. Si on n'a pas de support, que ce soit vidéo ou audio, quelle que soit la forme, hein, numérique ou pas, on peut pas avoir de traces de ce qui s'est fait. Et la transmission, maintenant qu'elle est moderne et elle a besoin aussi de se diffuser vraiment partout, pratiquement, je sais pas moi, au Canada, pour ceux qui sont en Australie, on a besoin de savoir comment se joue le belay, comment se danse et comment se chante le belay. Donc c'est fondamental d'avoir ces traces-là. Maintenant, la place des artistes belay, beaucoup s'autoproduisent. Et là, je pense à Christophe Frontier. Monte pied coco, mon péché cacato, mon tiré la baleine, mien belle zamboka, mien belle fouille à pain, mien chilo cribiche, où ça va moins assez, tes pieds moins enflés, vous mettez moi l'école, mon père aime l'école, l'école ni trop caillé, l'école ni trop plisson, mon père aime maîtresse là. D'autres sont produits par des maisons de production comme Vaiti. Elle se parle écouter. Uh-huh. Elle se parle écouter. Coute uh-huh. Sa main qu'a dit ouah. Coute sa main qu'a dit ouah. Coute sa main qu'a dit ouah. Coute sa main qu'a dit ouah. Coute sa main qu'a dit ouah. Coute sa main qu'a dit ouah. Ou encore Stella Gonis. Bon Dieu, c'est grand jour pour moi aller. Passage moi là, j'arrêtais. Ouvrez la route pour mon père avancer. Les songes par moi, l'homme pour moi aller. Et leur place en fait dans l'industrie est très mince. Parce que déjà les gens sont frileux pour acheter des albums. Parce que le téléchargement, qu'il soit légal ou pas, c'est vraiment la voie par laquelle tout le monde passe. Et que y a peut-être un manque d'intérêt pour ce support-là en fait, d'avoir des CD chez soi de Belay. Jésus, t'es pas l'air, t'es qu'un son chez moi. Comment se consomme le belay en tant que musique? Alors le belay ne se consomme pas, il se vit. Le truc c'est que si tu as un CD de belay chez toi, tu vas le mettre pour pouvoir le danser. Après certains l'écoutent parce que ça leur fait du bien, ça leur donne l'énergie du matin. Là, je pense à certaines dames belay qui sont dans mon entourage. Mais c'est difficile de toute façon, quel que soit le style de musique, de vendre aujourd'hui. Pertinent, je ne sais pas si c'est pertinent, mais on a besoin, de toute façon, d'avoir des traces. Donc, c'est bien qu'ils essayent, c'est bien qu'ils produisent, qu'ils s'auto-produisent et qu'ils nous laissent des répertoires très riches. Et celui de Christophe Frontier, il est juste phénoménal. Il y a aussi le groupe Belia, qui est un peu plus... c'est pas tout à fait du belay, mais il y a ces accents de belay à l'intérieur. Enfin, voilà, quoi, on a besoin de ces... moi, j'appelle ça des témoignages, en fait. Puisque c'est la tradition et si on n'a pas ces traces-là, on ne pourra pas le transmettre non plus à nos enfants, parce que beaucoup apprennent, certains tambouis apprennent à jouer du belay en écoutant les autres jouer, pas simplement l'observation, il y a aussi l'écoute beaucoup, et les danseurs belay aussi apprennent à danser au son en écoutant des CD, des albums de belay. Comment se transmet le belay aujourd'hui? C'est une vaste question. Alors, le travail de transmission se fait par le biais des associations. Me viennent en tête plusieurs associations. En Martinique, surtout, il y a la M4, puisqu'ils ont fait un grand travail de recherche. Ils ont sorti aussi deux livres, des KB, Dormi Kalenda Belay. Il y a aussi la Maison du Belay, qui donne des cours, qui reçoit les visiteurs qui sont en Martinique, et qui aussi donne des cours à destination des scolaires. Et ici, on a sur Paris, sur la région parisienne, on a deux associations qui sont là depuis plus de 25 ans. Je pense à l'école Belay et à Boucan. Et elles ont, elles, commencé le travail de transmission quand sur Paris, il n'y avait que du gros cas. Donc, c'est elles qui ont importé, entre guillemets, le belay sur Paris. Comment le belay peut enrichir les autres musiques contemporaines? Alors ça c'est une grande question et l'exemple moi qui me vient tout de suite en tête c'est le travail de il y a deux personnes en fait qui ont travaillé là-dessus et qui ont retenu mon attention, c'est Edmond Mondésir avec Émotion Belay et son groupe Belay Nous, donc son album, ses deux albums Émotion Belay et son groupe Belay Nous, où effectivement il a introduit des instruments modernes dans le belay. Donc ça, c'était une première approche. Selkal, un pianiste essentiellement de jazz et de formation classique, qui a voulu jouer son belay avec le piano. Donc pianiste depuis son plus jeune âge, il est issu du nord de la Martinique et en fait il a assisté étant tout jeune à des moments et des soirées belay et il s'est rendu compte que de toute façon le piano on pouvait pas l'emmener dans une soirée belay mais on peut jouer le belay au piano. Qui ouvre le belay à la modernité en y introduisant des instruments contemporains. Et il y a ceux qui vont se nourrir du belay pour créer des compositions avec leur, leur instrument. Maintenant, dire que le ballet enrichit les musiques actuelles, je dirais que chacun s'enrichit de l'autre, en fait. Et c'est pour ça que ça bouge, que c'est toujours en mouvement et que ça a perduré. Arrive-t-on à une forme d'institutionnalisation ? Mais ça se fait déjà dans la mesure où le ballet est une épreuve du bac. Donc on peut dire que ça commence, hein, puisque c'est une épreuve du bac. Institutionnalisation, il faudrait qu'il y ait deux réelles passerelles, vraiment entre la Martinique et ici, sachant que l'école ballet peut être considérée comme une antenne de la M4. Et que Boucan, c'est la famille Grivalier, donc famille souche du quartier Perrault de Sainte-Marie, qui officie. Donc oui, je pense que l'institutionnalisation va se faire quand les associations se coordonneront de façon claire sur la région parisienne et donc pourront se mettre en lien aussi avec la coordination de la Ronde Ballet qui est en Martinique. Quel regard sur les artistes qui veulent utiliser les codes, instruments et répertoires du ballet ? Il y a pas mal il y a des artistes qui ont introduit le tambour ballet dans leur musique. Donc des artistes avec une identité propre. Est-ce que ça a servi le ballet ? Moi je dirais non, très clairement. D'autres ont rendu hommage au ballet. Est-ce que ça a servi le ballet ? Oui, puisque ça a permis à des personnes qui ne connaissaient pas cette musique de s'y intéresser, qui ne connaissaient pas la culture ballet de s'y intéresser. Maintenant, c'est un peu comme dans toutes les formes d'art, certains vont servir l'art et d'autres vont s'en servir. Qu'est-ce qui motive un artiste martiniquais à mettre du ballet dans sa musique ? Ce qui va le motiver, c'est la volonté de faire connaître sa culture, la culture traditionnelle de son pays. C'est une forme d'hommage qui est rendue, en fait. Je pense que quand on a un artiste aujourd'hui qui introduit le tambour ballet ou qui introduit du ballet dans sa musique, c'est simplement pour qu'on se souvienne qu'effectivement, cette musique-là, c'est la racine de pas mal d'autres musiques que l'on a chez nous. Donc, c'est une façon pour eux aussi de rendre un témoignage, de marquer leur respect envers le ballet, parce que si pas t'es ni ballet, pas t'es qu'est ni ça, quoi. Considérer le travail de beatmakers qui puisent leur inspiration dans le ballet. À mon sens, et là ça n'engage que moi, c'est une démarche, même si elle reste musicale, qui réconcilie les générations. Parce que avant, on pouvait dire que le gros cas c'était Bita Vieneg, le ballet c'était Bagay Vieneg. De voir que les beatmakers se rapprochent de leur tradition pour enrichir leur son. Ça donne une ouverture de plus et une visibilité de plus à la tradition. Et une personne qui est férue de jazz et qui en va entendre du jazz ballet, une personne qui est fan de hip-hop et qui va entendre du ballet boom-bap, va se rapprocher du coup aussi de... Ça va piquer sa curiosité et ça va probablement l'inviter ou l'inciter à se rapprocher aussi de la tradition. Donc moi, je trouve que c'est une démarche qui est tout à fait honorable et louable, surtout de la part des jeunes, parce qu'on a tendance à dire que c'est eux qui dénigrent leur propre culture. Et là, je pense que les pendules ont été remises à l'heure. Donc je trouve que c'est un travail qui est vraiment intéressant. Et bien fait, surtout. Oui, alors, comment se passe la transmission du ballet ? Donc, on parle de ballet en hexagone ou de ballet en Martinique, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu. Le Belay s'est transmis déjà de génération en génération, de par les familles souches de la Martinique ou la famille Saban de Basse-Pointe ou même le Belay licite qui perdure aussi. C'est aussi le travail de beaucoup d'associations et les jeunes ont eu une sorte d'appel par rapport au Belay, que ce soit donc toujours le Belay du Nord, le Belay Basse-Pointe et le Belay du Sud. Avec des associations qui se sont montées un peu partout et aussi ici en Hexagone. Et cette transmission se fait avec des anciens et avec des jeunes. Donc les jeunes s'approprient le Belay, ou alors le Belay est allé chercher les jeunes. Je ne sais pas dans quel sens on peut le tourner. Mais quoi qu'il en soit, la transmission se fait soit de façon tout à fait naturelle, de famille en famille, soit de façon plus institutionnelle, entre guillemets. Avec des formations, des cours, des stages. Tous les mercredis, c'était envolé. Pendant maman qui a beaucoup, faut que dis-yo l'enteye, pendant qu'a pleuré. Aïe maman, Agathe Manté qu'a joué. Aïe maman, Agathe Manté qu'a joué. Aïe maman, football Manté qu'a joué. Aïe maman, maman monte pied coco. Aïe maman, maman pêche qu'a cadeau. Aïe maman, maman tire la balaie. Aïe maman, mia belle zamboka. Aïe maman, mia belle fouille à pain. Aïe maman, mia chilo cribiche. C'était envolé. Madame Mara Bakou, pour qui y'a l'enteillé, pendant qu'a pleuré. Aïe maman, en bois m'enteillé. Aïe maman, la campagne m'enteillé. Aïe maman, caille bébé m'enteillé. Aïe maman, mi en belle manque divine. Aïe maman, mi en belle manque Julie. Aïe maman, mi en belle bassinia. Aïe maman, cochon on pas manger. Aïe maman, c'est pour la pas manger. Aïe maman, mon pâté l'excision. Aïe maman, mangerai mon Camille. Aïe maman, mangerai mon Donc, à côté, Conlambi, à la fréquence Paris Pluriel, 106.3. Adresse internet www.rfpp.net. Si ça n'y a pas ni moyen. Malgré ça nous ça, j'irai ça bien. Et reste moi pas moyen qui croyant. La fuck à rendre mon plus vaillant. Goumen nous ka goumen, nous pas chien. Chez qui chien pas mérite sa chien. Est-ce où est mon et la vie à chien. Debouya c'est depuis pas péché. En job official y'en en cachette. Vomé ça qui a pis si gâchette. Gâché la vie moun bâti saché. Wash c'est la mort pas ti caché. Pani tan bigidi depuis le lundi rive samedi midi les yo di trime ou sav sa sa le di ki vale la vie ou pa bizon di ou li yo di si gandi yi ka fe sak diri tout mon ni ou ni se fe yi fe piti se poussi an kani an kou yi vini l'esprit a jodi se ou bikini le ou e machi pou ta petit tiri tata se ka fe ki ou an vidi oui me le la kol api se pri yi pri laisse kon sa ou ja sa fe sakini mwen men bougi an pa le victime li ma pa ka joje an cette compagnie pour le gant ou ka veni mini et c'est pipi ni pas fini pini. en regard des sociétés en Ikomboa. Qu'a tout fait avant Valley tout quoi. Brigitte Namjiria à Congoa. Défendre quand on a eu en l'école. Check ex à kako les épaules. Adam Kouskouya à Puchoa. Simi qui te baillot à la IEA. Régler ses factia à Eloéa. L'assassin qui a tombé à l'Eiléa. Toujours les nous a katouillé de moi. Ensemble, on est pop là et bel air. On a entendu beaucoup de choses dans toute cette émission Tradition Jeudi qui nous a permis de déconstruire quelques idées reçues, préciser certaines choses par rapport à la tradition. On a vu qu'elle pouvait être la meilleure expression du sentiment d'un peuple. Encore aujourd'hui, on vous invite à aller voir ce film sur un air de révolte de Franck Salin autour du gros cas. Et on a aussi parlé de la modernisation de la tradition, d'artistes actuels qui s'inspirent de la tradition. Tout ça pour parler en fait de la vivacité de la tradition en Martinique, en Guadeloupe. Et quoi de plus actuel que la tradition finalement, et c'est pour ça qu'on en fait un dossier particulier dans Musique Jeudi. Premier dimanche de chaque mois, c'était le premier volet de la spéciale Tradition Jeudi. Et on se retrouve le mois prochain, de 16h à 17h, toujours dans Musique Jeudi. On vous parlera de la suite et cette fois de tout ce qu'il y a de neuf autour, qui s'inspire, qui se base, qui rend hommage à notre tradition, au Belay, au Groka et bien plus encore.